Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, Ohayo gozaimasu. Souvenez-vous, c'était en 1999 et sur les écrans de nos cinémas étaient projetées les aventures de Mai et Satsuki, deux petites filles qui découvrent leur nouvelle maison à la campagne, rendent visite à leur mère malade à l'hôpital et font la connaissance d'un adorable monstre poilu et bedonnant qui porte le nom du film, Mon voisin Totoro. Même si c'est le seul dessin animé que vous ayez jamais vu de votre vie, c'est déjà suffisant, nous dit son créateur Hayao Miyazaki. Je pense que si un enfant a vu un ou deux vrais dessins animés dans sa vie, cela est déjà suffisant. S'il se rappelle ce dessin animé de temps en temps et qu'il en garde l'impression d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire parmi toutes les merveilles du monde, alors ce sera bien. Bonjour Hervé Joubert-Laurencin. Bonjour. Vous connaissez le générique de Totoro par cœur ? Oui, un petit peu. Puis je révise, j'ai le texte sur mon téléphone pour le chanter. Ah oui, donc vous comprenez les paroles en plus. Je le chantais avec ma fille quand elle avait l'âge de Totoro, de Chihiro, disons plutôt de Chihiro. Des personnages des films de Miyazaki auxquels ouais. Vous avez consacré un ouvrage. Alors vous êtes professeur en études cinématographiques à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes aussi l'éditeur scientifique des écrits complets d'André Bazin, qui sortiront le 10 novembre oui. chez l'éditeur Macula. Dans très peu de temps. Voilà. Donc oui, c'est une entreprise gigantesque et formidable. Bah, si c'est vous qui le dites, vous viendrez en parler à ce micro, mais vous êtes là surtout pour parler de Miyazaki, auquel donc vous avez consacré un livre où on trouve quatre analyses de films, Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Le voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise, qui est un livre publié par l'Association des enfants de cinéma. Oui. C'est une association gigantesque et formidable. Également, comme tout ce que vous faites, c'est ça? Non, comme bah, c'est bon présage. Comme Bazin et comme Miyazaki surtout, qui sont des géants. Le générique de Totoro a marqué des générations de personnes qui ont vu ce film. J'ai dit qu'il était sorti en 1999, mais c'était 10 ans après la production de ce film, la sortie au Japon. La production et la sortie, oui. Oui, c'est un des premiers, c'est pas le premier du studio Ghibli. Enfin, moi je dis Ghibli parce que c'est un nom italien, mais les Japonais prononcent Ghibli ou Ghibli. C'est le studio, en tout cas, dans lequel travaille Miyazaki. Le studio qu'a créé Miyazaki avec Takahata, qui est mort récemment, Isao Takahata. Et Miyazaki, tous les deux sont les principaux fondateurs du studio. Et le studio a fait une... C'est pas le tout début, mais c'est presque le début. Et il y a une chose assez incroyable, c'est que deux films sont sortis en même temps. Donc Totoro, qu'on voit nous de notre côté, qui est le film très gentil. Puis de l'autre côté, il y a Le tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles de Takahata, qui est un film pour nous, ou en tout cas pour les parents, très très dur, avec une histoire de deuil d'enfant qui meurt après la guerre, une petite fille qui meurt de faim. C'est vraiment un mélodrame type japonais. Et une grande partie de l'équipe était commune aux deux films. Et les deux films, c'est d'ailleurs très difficile à croire pour nous aujourd'hui, au Japon, sont sortis ensemble dans une double séance. Donc on voyait, coup sur coup, on voyait les deux films. Et même au-delà de ça, les deux réalisateurs ont travaillé ensemble à l'écriture de ces films parce que Miyazaki dit, même s'il parle très peu de son travail, on a entendu sa voix en début d'émission, mais on a très peu d'extraits traduits en plus en français, qu'il a écrit « Mon voisin Totoro » en accord avec Takahata, réalisateur du Tombeau des Lucioles, qui proposait un film noir, lui voulait proposer un film plus lumineux. Mmh. Il dit bien, en fait, la face obscure du film, bah, regardez Le Tombeau des Lucioles pour la trouver. Moi, ouais, ce sera le côté lumineux, alors qu'il y a beaucoup d'ombre. Ça, c'est un point qui est intéressant. Ouais. Bah, au fond, si on va au fond de la question, les deux ont de la lumière et de l'ombre, toujours, et toujours dans leur œuvre, hein, parce que ce sont des œuvres très belles qui sont justement pas, entièrement d'un seul côté. C'est vraiment la beauté de l'œuvre et de Takahata et de Miyazaki. C'est-à-dire qu'elles sont ouvertes sur le monde et dans un détail précisément très très humain. C'est ça qui fait sans doute et l'originalité et la force. Parce que le dessin animé n'est pas immédiatement perçu en général comme quelque chose de... de l'ordre de la psychologie humaine immédiate, du réalisme, tout simplement. On a plutôt tendance à penser le réalisme avec la photographie, enfin avec le cinéma photographique et avec les humains tels qu'on les voit et avec les enfants en plus, quand on filme des enfants qui sont spontanés. On a tendance à penser que c'est là que ça se trouve, le réalisme. Et quand on voit les films de Miyazaki et de Takahata aussi, hein, mais pour aujourd'hui, on parle vraiment de Miyazaki, ce sont des films incroyablement réalistes dans le détail. C'est-à-dire qu'on voit le réalisme est partout. Il est dans le plissement de lèvres, il est dans le mouvement d'un enfant. Chihiro, il a dit que c'était le portrait de la fille de 10 ans. Alors, le Voyage de Chihiro, c'est le film dont on parlera aussi aujourd'hui, peut-être un peu après. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un film, alors vous dites réaliste et en même temps complètement déjanté. Complètement fantastique, en tout cas. On est entre Kafka, Shining de Stephen King et La Divine Comédie. Il lui arrive des choses absolument incroyables. Ouais. Et pourtant, c'est vrai qu'un processus d'identification s'opère très vite et qu'on vit toutes les aventures avec elle comme si elles nous arrivaient. Bah, c'est complètement double. Hein. On disait c'est l'ombre et la lumière, mais on pourrait le dire de la même façon, que c'est le monde absolument quotidien et c'est le monde absolument impossible. On vit à la fois dans un monde impossible et dans un monde humain. Et c'est une des particularités d'ailleurs par exemple du Voyage de Chihiro. C'est ce basculement qui fait qu'on se trouve dans une sorte de, c'est très étrange. On se trouve comme dans un monde parallèle plutôt que d'entrer dans un monde différent. Ouais, c'est un peu la différence entre l'étrange et le merveilleux, quoi. Le merveilleux, c'est un autre monde. Voilà. On entre de l'autre côté, on passe dans un autre univers. Et une fois qu'on est dans l'autre univers, on y est complètement. Tandis qu'ici, c'est l'univers qui vacille, quoi. C'est très intéressant de ce point de vue-là. C'est quand même un peu comme Edgar Poe, c'est un peu comme, voilà. C'est exactement ce qui se passe au début de Totoro. Je vous propose qu'on écoute un extrait. C'est très agréable de parler de Miyazaki à la radio parce qu'il accorde un tel soin au son, au bruit, à tout l'univers sonore de ces films, que vous allez tout entendre, chers auditeurs, de l'autre côté du poste, sans voir quoi que ce soit. Imaginez cette famille, donc deux petites filles et leur père qui changent de maison, qui emménagent dans une vieille maison qui semble peut-être hantée, et qui entendent des bruits bizarres. Et ces bruits bizarres font peur aux petites filles, et le père, pour conjurer cette peur, va essayer d'éclater de rire. Écoutez comment les bruits bizarres, qui en fait renvoient quelque chose de bien réel, apparaissent sur la bande sonore. Papa, j'ai peur que le vent souffle trop fort et que la maison s'écroule. Ça peut arriver, mais pas aujourd'hui. Nous venons juste d'emménager. Alors les filles, faites comme moi, riez aux éclats pour faire fuir les fantômes. Moi j'ai pas peur du Avec cette musique si caractéristique, hein, on entend ce synthétiseur à la fois mélancolique et répétitif qui accompagne vraiment toute la bande-son du film Mon voisin Totoro. Alors il faut quand même dire que il y a une réalité à laquelle correspondent ces bruits bizarres, c'est ce que le père appelle les noiraudes. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que les noiraudes, Hervé Joubert-Laurencin? Alors ça ressemble à des petites boules de suie qu'on retrouve dans Le Voyage de Chihiro d'ailleurs, et on les retrouve au travail dans Le Voyage de Chihiro, parce que Le Voyage de Chihiro, on pourra y revenir, c'est aussi le réalisme de l'usine, en quelque sorte, du monde du travail. Et donc, elle se retrouve dans le monde du travail, puisqu'elle elle travaille à la mine, en quelque sorte. Elle transporte des morceaux de charbon dans une fournaise. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est très, très difficile. Mais dans Totoro, donc bien avant, elles sont plutôt SDF, elles sont plutôt tranquilles. Elles se sont installées dans une maison, il n'y a personne, quoi. Donc, elles hantent une maison, en quelque sorte. Et quand la famille arrive et ouvre toutes les portes de la maison, qui est une maison traditionnelle japonaise, qui est un ravissement, quoi. C'est-à-dire le film montre juste simplement cette maison au milieu des champs, au milieu des rizières. On ouvre les portes qui coulissent, on découvre son architecture, les bains chauds à l'arrière. On vient d'entendre la famille qui était dans le bain traditionnel qui se trouve à l'arrière de la maison. On voit les différentes parties. On est déjà pris par le film quand on entre dans la maison et quand on découvre cette maison. Et cette maison, elle est hantée, comme on le dit, mais elle est hantée, on verra pas d'autres. Enfin si, il va y avoir les Totoro. Donc les Totoro sont bien des petits personnages qu'on va voir une première fois sortir de la maison, puis qu'on va retrouver dans un trou dans la terre, qui ressemble beaucoup à un trou de Alice au Pays des Merveilles, mais premier épisode, c'est-à-dire Alice's Adventures Underground, hein, la première version, c'est-à-dire les aventures d'Alice sous terre. Et là, on retrouve vraiment très exactement ça. On tombe dans un trou sous la terre et on trouve le gros Totoro. Hein. On y reviendra. Mais alors, les petits Totoro sortent d'abord de la maison. Mais avant les petits Totoro, le premier indice de mystère et du fait que peut-être il y a d'autres habitants dans le monde, peut-être qu'on n'est pas tout seul, hein, c'est au fond c'est ça qui est dit. Bah ce sont les petites noiraudes, enfin en français on dit noiraudes, sinon je crois que c'est Susu Watara, quelque chose comme ça, ou Susu Watari, je sais plus, je suis pas japonisant. Je vais pas dire de bêtises, mais on traduit en français noiraudes pour traduire des espèces de petites boules qui pourraient être des petites boules de poils ou des petites boules noires. En fait, on s'aperçoit assez vite c'est des petites boules de suie parce que quand la petite fille arrive à la prendre entre ses mains, évidemment, elle ouvre ses mains après et il y a plus rien, il y a juste du sale sur ses mains. Et comme ce sont des petites filles japonaises, elles font « Ah !» Elles sont terrifiées parce que elles ont les mains sales, ce qui est pas très bien. Voilà. Donc, au fond, en dernière analyse ou en première analyse, le plus intéressant, c'est que ce sont des petites illusions optiques. Et c'est ça qui est formidable avec les noiraudes, c'est que il y a une très très très belle séquence au début du film où justement elles vont chercher le grenier et en cherchant le grenier, elles s'aperçoivent qu'il y a à peu près, je sais pas, des milliers ou des dizaines de milliers de noiraudes qui seraient partis en un quart de seconde, en un clignement d'œil. Et donc, elle reste pétrifiée. Puis ensuite, la petite fille va mettre un doigt dans le trou du mur. Et là, tout d'un coup, il y en a une série qui part. Donc, on a peur avec elle. Et c'est donc une forme d'illusion d'optique. C'est comme le cinéma d'animation, c'est comme le dessin animé au fond. On se demande parce que lorsque les filles disent à leur père qu'elles ont vu ces espèces de petites bêtes noires, celui-ci rit et leur dit mais non, ce sont effectivement des illusions d'optique qui arrivent lorsque vous arrivez dans une maison très sombre et que tout d'un coup vous ouvrez les volets, l'œil n'a pas le temps de s'habituer à la lumière et donc il voit ces noiraudes. Et on se demande, nous spectateurs, si ce sont en effet des illusions d'optique ou des petits esprits, des petits monstres qui se promènent. Oui, on est toujours dans l'étrange, oui. C'est-à-dire il y a toujours une explication rationnelle possible et puis il y a une explication complètement irrationnelle également. C'est-à-dire qu'il y a d'autres êtres qui vivent avec nous, nous ne sommes pas seuls. Et donc tout le monde entier, le monde vivant est habité et le monde est vivant. Quoi. Il y a un monde, on habite un monde vivant. C'est aussi ça qui est dit. Donc c'est une ambiance, paraît-il, shintoïste. Je ne sais pas si c'est très précisément shintoïste, mais enfin le shintoïsme est un animisme. Donc de fait, les choses vivent, les choses inanimées vivent. Et précisément, ça tombe bien puisque Miyazaki est tout de même aussi célèbre que Walt Disney autrefois, aujourd'hui. C'est le grand homme du dessin animé, donc du cinéma d'animation. Et le cinéma d'animation, en partie, est animiste. Il y a une relation. Il n'est pas directement, c'est pas la même chose que l'animisme, hein, le dessin animé, l'animation. Mais comme on voit, les mots sont assez proches. Oui, il y a âme dans les deux cas. Voilà. Donc dans les deux cas, il y a âme et puis il y a ce mouvement immédiat. On crée du mouvement avec une chose qui n'est pas mouvante. On crée du vivant avec quelque chose qui est mort. Donc on a tout le spectre de la vie à la mort qui est en route dans le dessin animé. C'est pour ça que c'est très passionnant. C'est comme les fables pour les enfants dans la tradition d'avant le cinéma. Et dans le cinéma, bah c'est dans le dessin animé qu'on a la question de la vie avec les animaux, de la vie dans les règnes différents, le passage entre les règnes animal, végétal, minéral et le fait qu'on vit ensemble. Seul le dessin animé peut le dire de cette manière-là. Quand le film paraît sur les écrans, peu de gens en France en tout cas connaissent Miyazaki. Il va totaliser près de 800 000 entrées. Et pourtant, ce film, vous l'avez dit, c'est un film du quotidien. Vous parlez de fables non spectaculaires. Mm-hmm. On suit des petites filles dans leurs aventures, 5 jours, une nuit. Mm-hmm. Et quelle nuit, on y reviendra, vers la fin du film, qui nous inquiète. Mais on peut pas dire qu'il y ait absolument des renversements incroyables et des bouleversements qui changent l'âme et la vision du spectateur. Et pourtant, il a été plébiscité par tellement de personnes et Totoro est devenu une espèce d'emblème. C'est devenu l'emblème du studio de production, Ghibli. Et même sans avoir vu le film, on sait qui est Totoro, on sait qu'il ressemble à cette espèce d'énorme nounours, enfin petit monstre poilu. Et il paraît que le générique qu'on a entendu tout à l'heure, c'est l'hymne des écoles maternelles au Japon. Toutes les écoles alors, maternelles. Au Japon, c'est une chose parce que c'est un film qui fait référence vraiment à la culture japonaise. En France, comment et vous dans le monde entier, oui, en France et dans le monde entier. Et si on voulait citer des chiffres, moi je les ai pas, donc je n'ai pas les chiffres en mémoire par cœur, mais on arrive dans des chiffres, comment dire, les plus extraordinaires dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire avec c'est le voyage de Chihiro. Avec le voyage de Chihiro. On est au-dessus de 14 millions d'entrées. Voilà. Quelque chose le voyage de Chihiro, c'est celui qui va le plus loin, mais ça avait commencé avec Totoro. Et c'est vrai que les studios Ghibli, Miyazaki, tout est parti de Totoro, c'est vrai. Donc Totoro a commencé à être ce, et puis surtout il a marché aussi avec les produits dérivés, c'est-à-dire cette peluche, cette invention d'une peluche. En fait, c'est un film, c'est pas rien comme scénario. Hein. Moi, je crois que la réponse, en réalité, elle est pas de dire que c'est une petite chose puis finalement magiquement ça a marché. En réalité, c'est un très grand scénariste tout simplement. C'est-à-dire que Miyazaki est plus fort que les scénarios gagnants, hein, les scénarios vainqueurs où on nous dit que il faut les faire de telle et telle manière parce que ça va plaire au public. Il faut que ça séduise les enfants, il faut que ça embête pas les parents, que ceci, cela. Je crois qu'il s'en fiche royalement et que Miyazaki est un artiste vraiment et surtout, enfin surtout, pas surtout, mais au premier moment, quand il écrit ses scénarios et quand il laisse venir les sensations pour écrire des scénarios, il travaille avec ses sensations, il travaille comme quelqu'un qui serait comme Yuri Norstein, par exemple, c'est-à-dire qui laisse advenir des sensations d'enfance, des sensations de froid, de peur, le sentiment de la neige, des choses très petites mais très profondes dans l'humanité et dans l'humain, et qui travaille ensuite des histoires avec, à partir de ça. Et c'est pour ça que c'est si important. Ce sont des scénarios, en fait, beaucoup plus puissants que les scénarios spectaculaires où il se passe énormément de choses, où il y a des navettes spatiales, où il y a beaucoup de spectacles. Le spectacle, en fait, est très puissant, mais c'est le spectacle de l'humain. C'est là que la chose est impressionnante. On va entendre un autre extrait de Totoro, un extrait qui fait directement référence à Alice au Pays des Merveilles dont vous parliez. Mais avant ça, juste pour le plaisir et pour présenter Totoro à ceux qui ne le connaissent pas, écoutez juste quelques secondes de la rencontre entre la petite fille et Totoro qui se trouve allongé sur l'herbe. Et gros Totoro. Le gros, l'énorme Totoro qui fait 20 fois la taille de la petite fille. Elle va se retrouver sur son ventre. Écoutez-les discuter ou communiquer. Les gargarismes de Totoro sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Miyazaki aujourd'hui dans le cadre de notre série d'émissions sur le Japon, Mon voisin Totoro, et puis dans un instant, Le voyage de Chihiro. Ce dialogue entre deux sons très étranges, en lui-même a quelque chose de bouleversant, non, Hervé Joubert-Laurencin? Ouais, c'est formidable parce que ce sont des sons, ce sont des paroles, c'est un langage, mais c'est un langage non articulé. Donc c'est un langage pré-humain de la toute petite fille où on entend tout de même les Totoro, on entend Totoro, enfin, qui veut dire d'ailleurs quelque chose en japonais, c'est un détournement, ça veut dire elfe ou personnage mythologique comme ça. Et donc on l'a détourné pour fabriquer un mot qui n'existait pas avant, avec le O, Totoro. Et c'est une espèce de grosse peluche qui, elle, est non humaine. Et c'est ça qui est formidable. Parce que d'abord, il est peut-être l'esprit du très grand arbre qui est à côté de la maison. C'est un camphrier. Le camphrier géant. D'ailleurs, ensuite, il va y avoir un arbre qui va monter dans l'espace et qu'on va pouvoir faire la nuit en rêve ou un rêve qui peut-être est vrai. On fait monter des plantes qui deviennent un arbre géant. Mais avant ça, il y a l'arbre, le camphrier géant. Et peut-être que Totoro est l'émanation du dieu qui représente ce lieu-là. Voilà. Et en tout cas, c'est aussi une très grosse peluche et c'est aussi une invention de toute pièce. C'est-à-dire, c'est une invention mythologique. Je disais tout à l'heure que Miyazaki est un grand scénariste, mais c'est donné à très peu d'écrivains, au fond, de fabriquer un mythe. de fabriquer une mythologie. Et il l'a fabriquée. Bah oui, Totoro n'existe pas avant. Un fantôme. Pas du tout. C'est ce qu'il a même appelé avec le Chabus, par exemple. Le Chabus, qui est un autre exemple dans Totoro, d'invention complète. C'est un chat. Voilà, c'est comme un mot valise, Chabus, parce que c'est à la fois un chat et un bus. Le Chabus et Totoro sont, il a employé un terme, enfin, du moins en traduction française, ça donne fantôme de transition. J'ai trouvé ça fantastique comme idée, de fantôme de transition, c'est-à-dire de transition aussi, peut-être de transition civilisationnelle, de transition d'époque. C'est-à-dire qu'il invente un nouveau type de fantôme. Il invente une... Donc, moi, j'en déduis qu'il invente une mythologie et que c'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est une chose géniale. L'expression est d'entendre... Mieux choisi, fantôme de transition, on entend, c'est comme l'objet transitionnel, qui oui, est le exactement. Nom que les psys donnent aux doudous des enfants, oui, hein, qui est une manière d'incarner la et mère. Et le Totoro, on voit bien que c'est un gros doudou, quoi. C'est quelque chose qui permet de passer d'une chose à une autre, des parents au monde, se passer de ses parents, ce qu'on verra avec le voyage de Chihiro. Au fond, c'est un scénario de génie, là aussi, bah, pour les enfants, avec les enfants et pour les enfants. C'est-à-dire, comment se passer de ses parents? Comment on peut vivre sans les parents? C'est quand même très, très important dans la vie. C'est même essentiel. Et surtout essentiel pour les parents de savoir comment faire pour qu'on se débarrasse de vous, quoi. Mais quant au bruit du Totoro, du gros Totoro peluche, il y a une chose très belle, c'est que le son, évidemment, qu'on a entendu est fabriqué. Et on ne sait pas très exactement comment il a été fabriqué, mais il y a du vent qui a été enregistré, il y a peut-être un acteur, une voix humaine, mais aussi une voix animale. Et donc, c'est un mélange et c'est un mixage. Donc, on a fait un mix pour arriver à cette voix. C'est exactement dans l'histoire du cinéma, il y a un précédent, c'est Tarzan. C'est le cri de Tarzan quand Tarzan se tape sur la poitrine et qui crie. C'est pareil. Et puis il y a le lion de la MGM aussi. Le lion de la MGM, Tarzan. Bon, c'est des cris qui sont fabriqués. C'est des cris de cinéma au fond. Et le cri du grand Totoro, c'est ça aussi. Donc il existe par le son là aussi, ce qui est très très très intéressant et qu'il fait exister peut-être encore plus de façon encore plus prégnante. Vous voulez dire que le lion de la MGM n'est pas un vrai rugissement de lion ? Si, c'est un rugissement de lion, mais lui, il a été, j'exagère un peu, il est pas tant mixé que ça, il a été amplifié. Mais c'est le son de Tarzan qui a vraiment été mixé et celui du Totoro. Alors, je précise quand même si on va entendre un autre extrait avec le Chabus, qu'on bascule là complètement dans quelque chose de, alors soit de merveilleux, soit d'étrange, en tout cas dans un autre monde que le nôtre, mais qui vient s'immiscer dans le nôtre précisément, que c'est d'abord sans doute un film sur la vie quotidienne. C'est que le spectateur est happé par le déroulé des journées de ces petites filles qui tantôt vont voir leur mère à l'hôpital, qui est malade, qui tantôt attendent leur père justement qui revient à l'université donc elles attendent le bus, qui rencontrent les voisins, qui vont à l'école pour la fille aînée qui parfois va amener sa petite sœur parce que personne ne s'occupe d'elle. Mais une grande partie du film donne à voir ces scènes qui seraient absolument triviales et qui sont d'une beauté incroyable. L'histoire du bus, c'est une histoire de parapluie. C'est-à-dire qu'il pleut, le papa a oublié son parapluie et les petites filles qui sont totalement charmantes et qui sont gardées par personne à la maison se disent le père rentre tard le soir à l'arrêt de bus, il va se faire mouiller, donc on va partir avec deux parapluies. Puis surtout qu'elles ont fait l'expérience dans la journée de se retrouver sans parapluie sous une pluie battante, donc elles vont l'attendre avec deux parapluies. C'est comme ça qu'elle rencontre celui qui devait pas être là, un autre papa qui est le grand Totoro tout d'un coup. Et puis le bus arrive, mais c'est pas le bus du papa, c'est le bus du Totoro. Bon, bah vous venez de décrire l'extrait. Voilà. Les deux petites filles qui attendent leur papa à l'arrêt de bus avec un parapluie. L'arrivée de Totoro, vous allez entendre le bruit des pas. L'arrivée du premier bus, qui n'est pas le bus du père, qui est le Chabus. Et enfin le bruit du bus qui va amener le vrai père. Écoutez, tout est dans le son. Papa aurait dû être dans l'autobus. C'est rien, il sera sûrement dans le prochain. Tu préfères aller attendre chez grand-mère? Très bien, mais alors ne fais pas cette tête-là. Oh, il est déjà tard et ce bus qui n'arrive pas. C'est toi, Totoro? On a un autre parapluie. Prends-le, je te le prête. là l'autobus. Ah. Tu as vu, mec? Totoro est parti avec le parapluie de papa. Merci. Merci d'être venu à ma rencontre. Papa! Ça y est, je l'ai vu, papa! Et on a vu un chat puce. Hein? Il a un ventre énorme! Et de grands, grands yeux tout ronds. Incroyable! Totoro, on a vu Totoro, on a vu Totoro. Ce que je crois, c'est que la magie existe en tant que pouvoir invisible. Par exemple, pour relier les gens entre eux et pour relier les gens et la nature, il n'y a pas que les paroles. Il n'y a pas que ce qui s'entend et ce qui est visible. Je pense que le monde est fait aussi de ce qui est imaginé par l'homme. C'est pourquoi je veux faire passer dans mes films le souffle de la magie et de ce qui est extraordinaire. Et le souffle de la magie, c'est précisément ce que l'on vient d'entendre dans cet extrait où le vent se lève, pour reprendre le titre d'un autre de ses films, son dernier film d'ailleurs, et qu'on entend de manière très présente, c'est le souffle de la magie, dit Miyazaki lui-même. Mmh. Ouais, le vent se lève, c'est tiré d'un vers de Paul Valéry, d'un poème français, et c'est son dernier film en 2013. Il paraît aux dernières nouvelles que Miyazaki est en train de préparer un autre long métrage après ses deux adieux à la scène. Oui, c'est ça. Il a quand même fait un grand effet d'annonce disant qu'il arrêterait de réaliser. Mais bon, il l'avait déjà fait avant Le Vent se lève avec Ponyo. Et puis c'était le dernier en 2008. Et ensuite, on a eu Le Vent se lève en 2013. Il y a eu une grande conférence de presse pour dire que c'était fini et que le studio allait faire autrement parce que ce qui fait rentrer l'argent, c'est tout de même les films de Miyazaki qui est quand même le plus génial, celui qui marche le mieux, plus exactement. Et puis, c'est un peu formidable, oui. Alors, comment vivez-vous, il paraît. Pardon? Ça s'appellerait « Comment vivez-vous ?» point d'interrogation. Vous faites un scoop ici en avant-première. Mm-hmm. Merci de le partager avec nous. Alors, un mot encore quand même sur le chabus, on l'a entendu, ce chabus, c'est un clin d'œil direct à Alice au Pays des Merveilles, non? Oui, le chat ressemble au chat du Cheshire, ouais. Hein, c'est ça, celui qui disparaît, dont on n'a plus que le sourire, il est sur un arbre et puis il n'y a plus que le sourire. Et d'ailleurs, il y a une citation encore plus précise dans Totoro qui laisse à penser que vraiment c'est voulu. C'est qu'il emmène les petites filles précisément qui sont malheureuses parce que leur mère est malade, ce qui est une chose autobiographique parce que la mère de Miyazaki était tuberculeuse, donc il y a quelque chose de transposé, disons, de sa propre vie. Et les petites filles sont malheureuses de vivre seulement avec leur père ou tout seul et que leur mère n'est pas visible à l'hôpital et elles peuvent pas aller la voir. Et donc, le chabus, c'est cette chose imaginaire, géniale, qui les transporte à travers la campagne. Et qui va leur sauver la vie, littéralement. Et qui leur sauve la vie, qui retrouve la petite fille qui s'est perdue et qui les emmène à ce moment-là, là où elles veulent aller. C'est-à-dire, selon leur désir, il a la direction qui se met sur son front, c'est-à-dire sur le devant du bus. Et la direction, c'est la direction du désir. C'est là où elles veulent aller. Donc c'est une chose formidable. Et à ce moment-là, c'est un drôle de chat et un drôle d'autobus parce qu'il se met un peu comme un oiseau sur une branche qui permet aux deux petites filles de regarder leurs parents en train de se parler dans l'hôpital. Donc elles sont de nouveau très heureuses. Et là, elles sont visibles, invisibles. Et le chat, lui aussi, à plusieurs moments, devient visible, invisible. Et là, on reconnaît très exactement le chat du Cheshire, le chat de Alice de Lewis Carroll qui n'est plus là que par son sourire et puis qui ensuite revient en figure de chat. Donc oui, sans doute, c'est très... D'ailleurs, c'est sans doute pas la seule chose de Lewis Carroll. Quand la petite fille part voir le Totoro, la toute petite fille, la première fois, en poursuivant justement des minuscules Totoro, et quand elle tombe sur le ventre, elle rentre dans une sorte de tunnel végétal, et ensuite elle va sous terre. Là, on est vraiment dans le tout début de Alice au Pays des Merveilles. Ce qui montre bien que ce sont des films qui mettent en scène des enfants, mais qui ne s'adressent pas qu'aux enfants. Tout comme Alice au Pays des Merveilles, hein, qui d'ailleurs a souvent plus de succès auprès des adultes que des enfants. C'est vrai. Il y a une part de projection quand même de l'adulte dans le monde de l'enfance. On se dit, tiens, il retranscrit parfaitement le monde de l'enfance. C'est aussi le monde de l'enfance pour les adultes. Mmh. Mais c'est encore plus fort que... Ce qui est encore plus fort, c'est que ça marche aux deux niveaux. Ça marche vraiment pour les deux. C'est-à-dire, on ne s'adresse pas spécifiquement aux enfants, on ne s'adresse pas spécifiquement aux adultes. C'est bon pour tous, c'est le rêve. Ah, c'est un rêve commercial de Disney, de Tintin, 7 à 77 ans. C'est le vieux rêve des producteurs ou des distributeurs, hein, s'adresser toujours à tout le monde. Les familles plus les enfants, on multiplie les places, les entrées. Mais en réalité, sur le fond, c'est très très difficile de s'adresser réellement, c'est-à-dire donner un plaisir différent aux enfants et aux parents. Là, c'est exactement le cas, c'est très certain. Miyazaki accorde beaucoup d'importance aux personnages féminins. Il avait dit que pour ce film, il avait voulu transposer son expérience, car effectivement, lui avait une mère malade dans l'univers de petite fille pour qu'il n'y ait pas trop de projections, justement. Mm-hmm. Le fait est que, et c'est encore plus vrai dans Le Voyage de Chihiro, les personnages de petite fille qu'il propose sont des personnages très forts. Je dirais même pas féministes, parce que c'est pas du tout son problème. Non. Mais ce sont des personnages de petite fille très fortes, très surprenantes et assez innovantes. Oui. Et d'ailleurs, il a prétendu que son travail, ou que une fois fait son travail, il s'était rendu compte que il avait fait le portrait de la fille de 10 ans. Ce qui est, moi je trouve, d'une ambition incroyable pour un scénariste ou pour un cinéaste. Enfin, c'est une idée géniale. On se demande pourquoi on fait pas ça plus souvent, quoi. C'est-à-dire faire un film dans l'idée qu'on va faire le portrait de la fille de 10 ans ou de 14 ans ou de etc. ou de 7 ans ou le portrait d'un enfant, c'est très réussi. Oui. Alors effectivement, c'est une petite fille. C'est vraiment centré sur la petite fille en plusieurs étapes qui sont très passionnantes parce que au début elle est laide, comme lui-même l'a expliqué. Chihiro est laide. Ouais. Ah bon? Regardez bien le tout début du film quand elle est avec ses parents, elle est molle surtout. C'est-à-dire elle a des traits très relâchés, très mous. Elle est boudeuse, mais elle est pas seulement boudeuse. Elle a un corps différent et il l'a dessiné de façon différente entre le début du film et l'entrée dans le monde du travail, puis la fin du film où en quelque sorte c'est comme si c'est un corps qui, là aussi, c'est complètement réaliste. C'est un corps qui se développe d'abord, et puis c'est un corps qui s'endurcit. Pour les travailleurs manuels, évidemment, on a des muscles qui se forment. Il y a toute une représentation du corps du travailleur qui est différente. Et de fait, c'est ça. Donc on voit d'abord la petite fille citadine, molle, un peu désagréable, et puis elle est plongée dans un univers extrêmement dur, et immédiatement elle est dans un univers adulte. C'est, oui, parce que là en ce moment, pourquoi vous parlez de monde du travail et de travail manuel à propos d'une petite fille de 10 ans, voilà. Il faut dire quand même que dès le début du film, là encore on a un déménagement, les parents, le père conduit une voiture pour rejoindre la nouvelle maison, Chihiro est à l'arrière. De manière un peu incompréhensible, le père se met à appuyer sur l'accélérateur. Il va très très vite jusqu'à arriver à un endroit. C'est pour prouver que sa 4x4 marche bien. Bon, alors. Parce que c'est un macho, quoi. Voilà. Mais en tout cas, il va très vite de manière très dangereuse. Ils arrivent à l'entrée d'un tunnel. Les parents décident d'aller explorer. Et Chihiro n'a pas du tout envie. Donc c'est contre son gré qu'elle se retrouve à traverser le tunnel. Et là, ils vont accéder à un monde complètement fantastique, où il va se passer énormément de choses. Alors je vous propose qu'on écoute le début de ce film pour entendre ce passage, cette transition, l'entrée dans le tunnel, un écho avec un autre texte, enfin un texte auquel il est difficile de ne pas penser quand on voit le film. C'était votre suggestion, il s'agit de la Divine Comédie de Dante, le début, l'entrée aux enfers, et puis ensuite les premiers moments de transformation corporelle, où la petite fille va voir ses parents transformés en cochons. C'est une scène insoutenable. Écoutez. Voilà. あれは小学校だよ。 千尋、 新しい学校だよ。 結構綺麗な学校じゃない。 Ah, j'ai dû tourner trop tôt ou trop tard. Hey, mais ce chemin de terre y conduit peut-être. Attention, tu sais que c'est toujours comme ça que tu te perds. Allons voir un peu plus loin. Ah, t'as vu toutes ces petites maisons? Oui, ce sont les temples où vivent les esprits. Ah! Tu vas beaucoup trop vite, chérie, arrête! Un tunnel ? Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que la mort l'est à peine plus. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la voie vraie. Et comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme, qui fuyait encore, se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. Merci à Nicolas Berger et Alice Seyeb qui viennent de mixer pour vous le voyage de Chihiro avec la Divine Comédie de Dante. C'est vrai que ça fonctionne très bien, de manière un peu troublante, non, Hervé Joubert? Oui, c'est magnifique. Et c'est très beau. Ça marche très bien, oui. Le collage marche très bien. Mais ça veut dire que le voyage de Chihiro serait une forme de relecture ou d'adaptation de la Divine Comédie? Pourquoi pas? Moi, c'est ce que je dis dans le petit livre des enfants de cinéma. Ouais. C'est que j'appelle ça la Divine Comédie humaine. Parce que d'un côté, il y a la Divine Comédie. Et on pourrait dire qu'on a... On a d'abord l'enfer, c'est ce qu'on vient d'entendre. Au début du film, on entre dans l'enfer, on entre dans un cauchemar. On l'entend très bien d'ailleurs là dans les paroles, et on peut raconter un peu sans dévoiler des choses, sans dévoiler trop de choses, mais c'est vraiment l'entrée dans l'enfer. Et puis après, il y a le purgatoire. On parlait de du travail, le monde du travail qui est le monde plutôt très réaliste du travail, c'est qu'on met la petite fille au travail. Alors c'est parce que la petite fille, alors racontez quand même pourquoi elle se met au travail. Elle se met au travail parce que c'est la suite de ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Ses parents ont été transformés en cochons. En fait, ils étaient entrés dans une chose qui n'était pas un cauchemar au départ, qui était juste pour le dire simplement Disneyland, quoi. Un parc d'attractions désert. Donc un parc d'attractions qu'on avait oublié, qui serait d'il y a quelques années, puis qui serait tombé en désuétude. Et donc, ils vont se promener à l'intérieur. Puis, miraculeusement, il y a des plats chauds, formidables. Donc, le père dit, t'inquiète pas, j'ai ma carte, je les paierai plus tard. Et donc, ils se comportent comme des cochons. C'est tout. Ils sont juste grossiers. Ils se baffrent comme des cochons et ils deviennent des cochons. C'est ça qui est magnifique avec le dessin animé, c'est que quand la métaphore devient réelle, quoi. Et donc, ils deviennent des cochons. Et puis là, la nuit tombe très brusquement et des fantômes les chassent. Et Chihiro se retrouve, elle, non transformée. Donc, on l'a entendu crier. Et puis, sa transformation, elle, c'est qu'elle est en train de disparaître. C'est-à-dire, son corps disparaît. Elle ne voit plus sa main, elle ne voit plus son bras. Voilà. Heureusement, il y a un garçon qui va venir la sauver. On ne sait pas pourquoi. Et on apprendra beaucoup plus longtemps après que c'est sa bonne étoile, au fond, que le garçon est lui-même, a lui-même une sorte de forme divine qu'on verra plus tard. Mais pour l'instant, c'est juste un contremaître dans une usine. Et il vient la sauver en lui faisant manger quelque chose de cet univers pour qu'elle ne disparaisse pas. Et ensuite, il lui dit qu'il faut entrer. Et puis que si elle veut survivre dans l'univers où elle se retrouve, c'est les grands bains. C'est-à-dire un endroit où, disons, des cadres fatigués japonais viennent se reposer dans les bains, mais en fait, de cadres japonais, ce sont des fantômes, ce sont des esprits, des kami, des esprits de toutes kami, sortes. Kami, oui, c'est le nom d'esprit japonais. Et de toutes sortes, mais ceux-là sont tirés de la tradition. C'est-à-dire qu'ils sont tous figurés avec des dessins qu'on connaît dans la tradition japonaise, mais qui sont animés de manière magnifique. Et donc, Il se déplace lentement, il vole un petit peu, il ne marche très peu, ou alors ce sont des espèces de grosses betteraves, ils ont des allures, ils ont toutes sortes d'allures. En tout cas, ils sont à l'intérieur comme des clients dans un grand bain, voilà. Et il y a évidemment beaucoup d'ouvriers pour servir ces clients. Et la petite fille qui n'a rien à voir avec cet univers, qui est quand même beaucoup plus médiéval que l'univers contemporain dans lequel elle est arrivée, dans une voiture 4x4 qui va déménager dans une ville japonaise d'aujourd'hui. Et là, elle se retrouve dans une espèce d'univers totalement médiéval et dans des gens qui travaillent quasiment comme des esclaves au fouet, quoi. Et bah, elle est mise là-dedans comme dans un camp de travail. Et ce que lui dit cet homme, ce jeune garçon providentiel qui la sauve, c'est que d'abord, il faut qu'elle mange un petit peu, même si c'est dégoûtant, de cet univers. Et ensuite, il faut qu'elle demande du travail. Voilà. Si elle n'a pas de travail, elle disparaîtra. Donc, elle doit aller chercher la patronne et demander un contrat de travail à la patronne. C'est là où on sort de l'univers de Dante. Voilà, si on veut. Encore que l'univers de Dante est profondément réaliste lui aussi. Et tous les gens qu'on rencontre sont tous des gens qui ont eu une aventure très précise. Enfin, Dante, c'est ça. Hein. C'est des dizaines et des dizaines de petits romans en 3 vers ou en 6 vers qui expliquent toute une histoire, finalement, un scénario de roman du XXe siècle. Et toute cette histoire racontée en 3 ou 6 vers de manière incroyablement condensée, c'est toujours des histoires extrêmement précises. C'est toujours des histoires de bagarre, des histoires de trahison, des histoires de travail. Donc, c'est pas si différent que ça, au fond. Point commun, le rapprochement à faire est sur la manière dont le personnage évolue au cours du film. Ce que vous l'avez dit, Chihiro, physiquement, mais aussi, elle apprend beaucoup, elle se transforme, tout comme le narrateur de la Divine Comédie. Un film et un texte de formation, d'apprentissage, les termes sont faibles par rapport à la transformation qu'ils subissent l'un et l'autre. C'est vrai. Mais le travail, c'est formateur, donc elle va changer. Elle va changer, elle va devenir forte, et très forte, et c'est elle qui va sauver ses parents. C'est ça qui est merveilleux dans ce film, c'est qu'il y a un retournement complet, c'est-à-dire c'est les enfants qui peuvent sauver les parents. D'ailleurs, s'il y a une fable dite écologique dans l'œuvre de Miyazaki, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est les enfants qui sauveront le monde. Le monde ne peut pas être sauvé par les vieux. On voit bien ce que les vieux sont en train de faire du monde, c'est monstrueux. On voit bien ce que... Écoutons, non pas un vieux, mais une vieille. Il s'agit de Yubaba, celle qui dirige cette espèce de parc d'attractions désert et peuplé de fantômes. Écoutez-la proposer un contrat de travail à la jeune Chihiro qui va, à cette occasion, changer de nom. Où c'est ton contrat? Signe au bas de la page. Tu travailleras bientôt. Mais si ça ne te convient pas, ou si tu as envie de rentrer chez toi, je te change en cochonnet sur le champ. Alors il faut que je mette mon nom en bas, c'est ça? Mais oui, arrête un peu de tergiverser et écris. Dépêche-toi. Oui. Ah, misère. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire un tel serment? Quel imbécile d'avoir promis du travail à tous ceux qui m'en demandent. Ah ! Tu as signé ? Oui. Oh ! Tu t'appelles Chihiro ? Oui. C'est beaucoup trop long pour une aussi petite fille. Désormais, tu t'appelleras seulement Sen. Est-ce que tu as compris? Réponds-moi si tu as compris. Sen! Compris? Vous m'avez fait demander? Elle commence à travailler aujourd'hui. Tu veilleras sur elle. Bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sen. Très bien. Suis-moi, Sen. Et Sen, en japonais, signifie 1000. Ça veut dire qu'elle devient une parmi tant d'autres, parmi des milliers de personnes. Je ne suis pas un numéro, je suis un être humain. Personne, en réalité, justement. En fait, elle devient un numéro. Voilà. Et c'est assez intéressant de dire que le titre français de distribution est assez différent. Le voyage de Chihiro. Il n'y a pas de voyage dans le titre original. Le titre original doit être vraiment très curieux pour les spectateurs qui ne connaissent pas le film et l'histoire du film, parce qu'il y a les deux prénoms. Chihiro Sen, et Sen. Sen to Chihiro no Kamikakushi. Alors, ma prononciation doit être terrible, mais ça veut dire Sen et Chihiro. et Sentosiro no Kamikakushi. Et Kamikakushi, on entend le mot Kami, c'est-à-dire les esprits. Et Kamikakushi, c'est le rapt par un esprit. C'est l'idée qu'un esprit va pouvoir s'emparer de l'âme et même du corps d'un humain et de le faire disparaître provisoirement ou définitivement. Donc, on le traduit, on traduit par mystérieuse disparition. C'est-à-dire, c'est quand un humain disparaît brusquement, on marche à côté de lui, puis tout d'un coup, il a disparu et il a été rapté par un esprit. Donc, tout ça, c'est dans le titre original du film. Sen to Chihiro no Kamikakushi, c'est-à-dire la mystérieuse disparition de Sen et Chihiro. Donc, franchement, on ne comprend rien parce qu'on est persuadé qu'on va voir un film avec deux petites filles dont l'une s'appelle Sen et l'autre Chihiro. Mais en fait, pas du tout. Ce qui n'y est plus dans le titre français, puisque Le Voyage de Chihiro ne dit plus ça. Le Voyage de Chihiro se trompe en quelque sorte parce que il a l'air de dire que c'est une histoire de voyage, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté du miroir, qu'on entre dans un univers merveilleux. Alors c'était encore un peu ça dans Totoro, mais c'est plus du tout ça dans Chihiro, puisque finalement, on reste au même endroit. Et la preuve, c'est que on est dans un monde très réaliste du travail. On est dans le monde de l'usine où tout le monde turbine. Donc on n'a pas perdu un univers proche. Simplement, il a dérapé. C'est-à-dire, il a changé. Et on se retrouve de l'autre côté, quoi. Sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, d'ailleurs. Baba dit, mais pourquoi est-ce que j'ai promis à tout le monde du travail? On ne sait pas pourquoi elle a promis ça, pourquoi elle est obligée de les employer. On ne saura jamais, d'ailleurs. C'est des trucs qu'on laisse tomber dans les scénarios. Mais on ne sait pas pourquoi elle a fait la promesse d'embaucher tout le monde. Mais en tout cas, on avait prévenu Chihiro qu'elle pouvait, il suffisait de continuer à demander du travail et elle finirait par l'avoir. Et elle se fait dresser comme ça, régulièrement. En même temps, elle se fait éduquer. Donc, et elle se révèle à elle-même. D'un côté, il y a quelque chose de violent. C'est-à-dire, elle se fait vraiment dresser très violemment par la vie, par tout le monde. Et en même temps, c'est très beau parce que c'est une vraie éducation. Et elle apprend des choses, elle se révèle à elle-même, elle devient plus forte, elle vit par elle-même, elle sauve ses parents, alors que ses parents n'étaient pas capables de la sauver. Donc, c'est vraiment très, très beau en même temps. Voilà. Vous faites le parallèle dans votre livre avec le système éducatif japonais qui change au moment où le film sort. Oui, c'est vrai, j'avais remarqué ça. À ce moment-là, on insiste au Japon sur la qualité de vie. C'est-à-dire, plutôt que la quantité de travail, il faudrait aller vers la qualité de la vie. Donc, passer de la quantité à la qualité, passer de l'obsession du travail, apprendre aux gens à travailler et apprendre aux enfants à s'épanouir. Donc oui, enfin, alors bon, ceci dit, c'est souvent des mots. Mais enfin, c'est quand même une volonté, je pense, je crois comprendre tout de même que c'était un peu pour retourner une société qui avait tendance à pousser peut-être dès le jeune âge à apprendre des choses, apprendre à travailler, apprendre à entrer dans le rang, etc., plutôt que apprendre à s'épanouir, ce qui est quand même plus intéressant pour en termes éducatifs. Oui, on peut lire ce voyage comme étant celui d'une petite fille qui s'apprête à entrer en sixième et qui est complètement paniquée. Voilà. Il faut dire que dans ce film, Miyazaki ne s'interdit rien et même explore tout. C'est un délire permanent, mais vraiment une scène en entraîne une autre, une transformation, un autre monstre jusqu'au monstre putride qui arrive, qui est une espèce d'énorme magma de boue puante qui fait s'évanouir les personnes qu'il croit sur son chemin. Et il est donné comme mission à la jeune Sen, donc Chihiro devenue Sen, de s'occuper de ce monstre putride. Elle doit le mettre dans un bain et le laver avec un jet d'eau. Et c'est finalement en s'occupant de lui qu'il va se passer plusieurs choses. D'ailleurs, elle va gagner sa réputation auprès de la vieille Yababa parce qu'elle va réussir à s'occuper de lui. Et puis surtout, on va se rendre compte que lui, et ça c'est un versant du travail de Miyazaki qu'il faut qu'on aborde ensemble, que lui est composé de vélos, de ferrailles, d'objets. La saleté vient en fait de tout ce qui vient polluer la nature. C'est ici une métaphore de la planète qui est polluée par le travail humain. Oui, exactement. Et c'est l'esprit d'une rivière qui a été polluée. Donc tout d'un coup, on le découvre comme un grand serpent blanc qui va finir par serpenter, partir dans le ciel immaculé, tout en blanc, alors qu'il est arrivé comme un puant. Enfin, en français, on traduit par puant. Et puis c'est la reprise de cette vieille histoire elle nous vient des Romains, de l'histoire de ce chrétien qui est martyrisé, qui est envoyé pour être mangé par les lions dans une arène, mais il se sauve parce que justement le lion qui se trouve en face de lui, c'est celui dont il avait enlevé une épine dans le pied auparavant. C'est exactement l'histoire de Chihiro. On voit que c'est une reprise de cette histoire puisque elle a l'air d'enlever une épine dans le pied de ce monstre et en réalité elle tire tout simplement un guidon de vélo. Et le guidon de vélo fait venir tout le reste, qui est juste l'extrême pollution d'une rivière, comme on la retrouve là, dans la pollution de la mer de Ponyo. Ponyo est là, sur la falaise. Le voyage de Chihiro, c'est le plus grand succès de Miyazaki dans le monde entier. C'est d'ailleurs le film d'animation qui totalise le plus grand nombre d'entrées dans le monde. Mm-hmm. Et il a reçu l'Ours d'or du meilleur film à Berlin en 2003, l'Oscar du meilleur film d'animation. Vous pensez que c'est le meilleur de Miyazaki ou est-ce qu'il y a encore une évolution ? En tout cas, c'est le meilleur en quantité avec tous les chiffres que vous avez rappelés. Mm-hmm. Après, moi, je trouve Ponyo tellement délicieux. C'est si on veut juger par pure cinéphilie, par pur plaisir, j'adore Ponyo parce que Ponyo, il a trouvé la façon de revenir en arrière, c'est-à-dire avec moins de travail, moins de personnes travaillant et du coup avec une économie de dessin qui fait que les dessins sont plus simples. Les dessins étant plus simples, l'animation est plus pure. Et ça, c'est une chose que j'avais lue dans une lettre de Norman McLaren, et c'est une vérité de l'animation. C'est que McLaren va jusqu'à dire de façon provocatrice, hein, pour qu'on comprenne bien, que finalement, la beauté du dessin va à l'encontre de l'animation. Parce que plus c'est beau, plus c'est compliqué, donc moins ça s'anime facilement. Et quand on a des choses très simples, très pures, des lignes pures, on va vers une animation plus forte. C'est ce qui arrive avec Ponyo. Et ça n'enlève rien à Chihiro qui est magnifique dans la sophistication, au contraire. Quoi. Mais d'ailleurs, on se quitte avec la bande originale du voyage de Chihiro. Rêvons toujours les mêmes rêves aimés. Kitsch ou sublime, c'est à vous de décider ce qu'évoque cette chanson pour vous, la bande originale du voyage de Chihiro. Un grand merci à vous, Hervé Joubert-Laurencin, d'être venu nous parler de Miyazaki aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que vous lui avez consacré, quatre de ses films, Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Le voyage de Chihiro et Ponyo sur la falaise, qu'on trouve aux éditions. Alors, coédition Yellow Now et Les Enfants de Cinéma, l'association dont vous nous avez parlé en début d'émission. Et puis je renvoie aussi à un entretien entre Miyazaki et Juliette Binoche. Miyazaki s'exprime très peu, on a vraiment très peu d'extraits de lui. Ce qu'on a entendu aujourd'hui était daté de 1992, mais on trouve un entretien entre Miyazaki et Binoche. On mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? J'aimerais vous parler d'un livre qui sort aujourd'hui même aux éditions Payot et qui est tout à fait exceptionnel. Ce livre, c'est Une histoire érotique de la psychanalyse, de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui, de Sarah Schich, écrivain et psychanalyste. Avant de vous parler du fond, laissez-moi vous dire que la forme est superbe. Pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir le livre et lire le premier paragraphe. Je cite « Tout est perdu. De l'enfant que nous avons été, il nous reste que des récits déformés par le temps, des images floues, de prairies rectangulaires, un peu en pente et à l'herbe de rue, où nous avons joué. De rivières où, les pantalons retroussés sur les mollets, nous avons tenté de pêcher des poissons à main nue, de classes à l'odeur de craie et d'ennuis épais, de lits dans lesquels nous avons cru mourir de désœuvrement, ou mourir de peur, ou rêver de devenir indien, cosmonaute, beau, courageuse, alpiniste, danseur, exploratrice, pilote d'essai, dresseuse de chevaux ou écrivain, en attendant que les ans passent et nous jettent dans le tourbillon des adultes. Nous y voilà, nous y sommes. Et les bras au creux desquels nos espérances ont poussé, jamais nous n'en retrouverons la chaleur. Fin de citation. Pas mal quand même, n'est-ce pas? Mais revenons au sujet, ou plutôt à la thèse du livre. Selon Sarah Chiche, depuis le début, les femmes sont le moteur de la psychanalyse. On rappelle souvent que Freud est devenu psychanalyste en étudiant les femmes hystériques, de même que Lacan, qu'il est devenu en s'intéressant au cas d'Aimée, une patiente paranoïaque dévorée par une passion amoureuse érotomane. Toutes ces histoires sont connues, et Sarah Chiche les raconte, mais ce n'est pas le cœur de son propos. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt de montrer comment, dès le départ, les femmes n'ont pas seulement été des objets privilégiés de la psychanalyse, mais ont fait l'histoire de la psychanalyse, comme théoricienne, créatrice et penseuse. Et je recite, « Fougueuse, combative, excessive, parfois fatale pour qui les approche, aussi bien que pour elles-mêmes, les femmes dont il est question dans ce livre brûlent d'un feu que rien ne vient éteindre, parfois, au risque de s'y calciner. » On comprend l'intention. Le livre de Sarah Chiche est un sublime hommage à toutes ces femmes qui ont refusé de se conformer aux assignations et aux normes liées à leur sexe et à leur genre. C'est aussi une ode à leur courage et à leur liberté. En prenant appui sur ces héroïnes réelles, mais aussi sur des héroïnes de fiction, Sarah Chiche nous propose une méditation profonde sur le rapport des femmes à l'amour et au désir. Pourquoi, comme Marilyn Monroe, souffrons-nous toujours des mêmes maux d'amour? Pourquoi certaines d'entre nous, telles Marnie dans le film d'Alfred Hitchcock, ont-elles un fantasme de sauvetage par l'amour? Pourquoi d'autres, comme Lou Andrea Salomé, doivent attendre longtemps avant de connaître le plaisir? Pourquoi d'autres encore, telles Alexandre dans le film de Jean Eustache, La maman et la putain, ne peuvent désirer ce qu'ils aiment et aimer ce qu'ils désirent? Comment en venons-nous parfois à haïr notre conjoint, comme ce fut le cas entre le psychanalyste britannique Donald Winnicott et sa première femme? Comment acceptons-nous aussi, parfois, comme ce fut le cas de Virginia Woolf et de Jean Maynard Keynes, d'accepter que la personne qu'on aime en aime une autre, sans cesser pour autant de nous aimer? Peut-on, comme Catherine Millot, continuer une thérapie avec un psychanalyste avec lequel on vit une histoire d'amour? Que faire, comme la Lolvestein de Marguerite Duras relue par Lacan, quand la jalousie nous obsède jusqu'à nous détruire? Quels que soient vos désirs cachés, vos peurs inavouables ou vos vices inavouées, tout est dans ce livre, ce qui est à la fois immensément rassurant, car on se sent moins seul, et à la fois terriblement inquiétant, car en général, cela finit mal, et jamais pour les mêmes raisons. Parler de sexe, ce n'est pas toujours parler d'amour, et inversement. Il y a toutes sortes d'arrangements, d'écarts et de compromis entre le sexe et l'amour. Nous sommes dans ce domaine d'une créativité infinie. Aimer peut même parfois, voire souvent, être profondément érotique. À cette question du conflit entre sexe et amour s'ajoutent mille autres questions, comme celle du renversement de l'amour en haine, ou encore celle du désamour soudain auquel on ne peut rien. On a rarement lu un livre autant épris de liberté, où toutes les représentations communément admises sur le sexe et l'amour cèdent, les unes après les autres, sous le poids d'un récit à la fois délicieusement drôle et grave. Sarah Chiche se demande, avons-nous vraiment besoin de la psychanalyse aujourd'hui pour parler de sexe et d'amour? Sans doute. Mais à la lire, c'est surtout d'elle dont nous avons besoin pour en parler. Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un très grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission sur Miyazaki en compagnie de Nicolas Berger, Anaïs Isbert, Sharon Houry, Colomba Grossi, Marie Simon, Géraldine Mosna-Savoie. C'est donc Nicolas Berger qui réalise cette semaine sur le Japon. C'était Alice Seyeb à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la fin de notre série japonaise en compagnie de Clélia Zernik et de Michael Luken. On se demandera quelle est la philosophie qui est étudiée aujourd'hui au Japon. Est-ce qu'il y a une philosophie japonaise et pourquoi les philosophes japonais étudient-ils autant la phénoménologie française? Des questions redoutables et décisives que nous aborderons dès demain à 10h donc. Et d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne ou bien les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez à l'aide de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Voilà, on se retrouve demain à 10h, sans faute, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.